désert de béton bleu, bien médiéval, comme dans un palais de cristal. Là où tournait toujours, toujours, comme un cheval, l'énorme moteur sourd, infernal. Je vivais là, le jour, la nuit, dans la centrale, j'étais l'épouvantail, mort sur la paille. Là où tourne, tourne toujours, comme un cheval, le grand moteur sourd de la centrale. Je t'attends là, le jour, la nuit, dans la centrale, je suis l'épouvantail, mort sur la paille.